kila mwoyo asipilisa mwokili vili mishimesha mesha na kuma shati shati kuna yini namu nini kriza Tous pépélé en bétolo, maman Moziki, maman Emilie Nzemba, Nadège Bomei, du coup ils ont Wapi, Nelly Bomei. Amen. Mamurise Buda, Magi Magi Seba, ya grand frère qui m'a oué. Souvenir de Paris, Aurélie la friandise, Zaïna mon emboîme. Ah, ça dit la zara qui mouise, mais la macabre humaine en douche, mon catista cacamaraïe, c'est la lame de ton vivre, mon collègue en arrive, ta mandat ma cotonne, la police, bâton la piste qui, et ton nom à qui, c'est ton nom qui s'aille écho. Je suis un peu plus de temps.